Les mystères d'Adolphe, d'Anne Radcliffe, lu par Eric, suite du chapitre 18. Un tel spectacle dans ces contrées solitaires surprit et alarma singulièrement Madame Montoni. Elle courut à la hâte à quelques paysans qui relevaient un bastion devant le rempart du sud, et où le roc était moins escarpé qu'ailleurs. Ces hommes ne purent répondre à ces questions d'aucune manière satisfaisante, et, surpris eux-mêmes, ils regardèrent cette cavalcade avec un étonnement stupide. Madame Montoni, jugeant nécessaire de communiquer le sujet de ses alarmes, envoya Émilie pour dire qu'elle désirait parler à Montoni. Sa nièce n'approuvait pas ce message. Elle craignait le mécontentement qu'il allait produire. Elle obéit pourtant sans répliquer. En s'approchant de l'appartement où Montoni s'entretenait avec ses hôtes, elle entendit une violente et bruyante dispute. Elle s'arrêta tremblante du courroux extrême où son entrée peu attendue allait nécessairement le jeter. Le moment d'après, il se fit un silence. Elle osa alors ouvrir la porte. Montoni se retourna vivement et la regarda sans parler. Elle s'acquitta de sa commission. Dites à Madame Montoni que j'ai affaire, dit-il. Émilie crut utile de lui détailler la cause de son message. Montoni et ses compagnons se levèrent au même instant et furent aux fenêtres. Mais ne découvrant pas les troupes, ils se rendirent sur les remparts, et Cavigni conjectura que ce devait être une légion de Condottieri, alors en marche pour Modène. Une partie de la cavalcade était alors dans la vallée, l'autre remontait dans les montagnes vers le nord, et quelques traîneurs restaient encore au bord des précipices où d'abord ils avaient tous paru. On aurait cru voir une armée nombreuse. Pendant que Montoni et les autres regardaient cette marche militaire, on entendit sonner la trompette et frapper les cymbales dans le vallon. D'autres leur répondirent à l'instant. Émilie écouta avec émotion. De la hauteur, ces sous aigus qui réveillaient les échos des montagnes. Et Montoni expliqua les signaux dont il parut très bien connaître l'usage, et en conclut qu'ils n'avaient rien d'hostile. L'uniforme des soldats et le genre de leurs armes confirmèrent pour lui la conjecture de Cavigni. Il eut la satisfaction de les voir s'éloigner sans s'arrêter pour examiner le château. Il ne quitta pas les remparts, que les bases des remparts ne les eussent tous dérobés à sa vue, et que le dernier murmure des trompettes ne se fût évanoui dans les airs. Cavigni et Verezzi parurent animés de ce spectacle qui semblait exciter leur courage. Montoni revint au château, pensif et silencieux. Les hommes soupèrent entre eux. Madame Montoni se tint chez elle. Émilie fut d'y joindre avant que de se retirer. Elle trouva sa tante tout en pleurs et dans une grande agitation. La tendresse d'Émilie était naturellement si insinuante qu'elle manquait rarement de consoler un cœur affligé. Celui de Madame Montoni l'était. Mais les plus doux accents de la voix d'Émilie perdirent leurs effets auprès d'elle. Elle feignit, d'après sa délicatesse ordinaire, de ne pas observer la douleur de sa tante. Mais elle mit dans toutes ses manières une grâce si touchante, une sollicitude si tendre dans tout son maintien, que Madame Montoni fut offensée de l'apercevoir. Exciter la pitié de sa nièce était un cruel affront pour son orgueil. Elle la congédia dès qu'elle le put. Émilie ne lui parla point de son extrême répugnance à se trouver dans l'isolement de sa chambre. Elle demanda seulement qu'il lui fût permis de garder Annette jusqu'à l'instant où elle se coucherait. On y consentit avec quelque peine, et comme Annette était alors avec les domestiques, il fallut bien qu'Émilie se retirât seule. Elle traversa les longues galeries d'un pas léger. La lueur vacillante de la lampe qu'elle portait ne servait qu'à lui rendre plus sensible l'obscurité qui l'environnait, et l'air à tout moment menaçait de la souiller. Le silence morne qui régnait dans cette partie du château la glaçait totalement. Pourtant, elle entendait, par intervalles, Les éclats de rire qui partaient de la salle reculaient, où les domestiques s'étaient réunis. Mais le même silence succédait. Il ne restait qu'un calme absolu. En passant devant l'enfilade qu'elle avait visitée le matin, ses regards tombèrent avec effroi sur la porte. Elle crut presque entendre quelques sons. Mais elle se garda de s'arrêter pour en devenir plus certaine. Elle atteignit sa chambre. Il n'y avait pas une étincelle dans le foyer. Elle s'assit et prit un livre pour occuper son attention jusqu'à ce qu'Annette vînt auprès d'elle et qu'elle pût lui demander du feu. Elle continua de lire, mais à la fin sa lampe lui parut prête à s'éteindre. Annette ne venait point. La solitude, l'obscurité de sa chambre l'affectèrent de nouveau, et avec d'autant plus de force qu'elle était près du théâtre d'horreur qu'elle avait découvert le matin. Des images sombres et fantastiques assaillirent son esprit. Elle regardait en tremblant la porte de l'escalier et voulut voir si elle était encore fermée. Elle s'aperçut qu'elle l'était effectivement. Incapable de prendre sur elle de coucher encore dans cet appartement écarté et dans lequel la nuit précédente il était certainement entré quelqu'un, elle attendait Annette avec une impatience pénible. Et voulait savoir d'elle une multitude de circonstances. Elle désirait aussi la questionner sur cet objet d'horreur dont Annette la veille lui avait paru informée, et dont elle voyait bien que la pauvre fille n'avait reçu qu'une notion fausse. Ce qui l'étonnait le plus, c'est que la chambre qui le contenait restât ouverte aussi indiscrètement. Une telle négligence surpassait l'imagination. Mais sa lumière était prête à s'éteindre. La faible lueur qu'elle jetait sur les murs ajoutait aux terreurs de son esprit. Elle se leva pour retourner dans la partie habitée du château avant que l'huile de sa lampe fût tout à fait consumée. En ouvrant la porte, elle entendit quelques voix. Bientôt après, elle aperçut une lumière qui paraissait au bout du corridor. C'était Annette et une autre servante. « Je suis bien aise que vous soyez venue, » dit Émilie. « Qui vous a donc arrêté si longtemps ?»« Je vous prie, faites-moi vite du feu. »« Madame avait besoin de moi, mademoiselle, » reprit Annette, un peu embarrassée. « Je vais chercher du bois. »« Non, » dit Catherine, « c'est mon affaire. » Elle sortit un instant. Annette voulait la suivre, mais Émilie la rappela. Et Annette se mit à parler haut, à rire comme si elle eût peur de garder le silence un moment. Catherine revint avec du bois. Quand la flamme pétillante eut enfin réchauffé cette chambre et que la servante se fut retirée, Émilie demanda à Annette si elle avait pris les informations dont elle l'avait chargée. « Oui, mademoiselle, reprit Annette, mais pas une âme ne sait un mot de cela. Pour le vieux Carlo, je l'observais avec soin, parce qu'on dit qu'il sait de singulières choses. Le vieux Carlo avait un air que je ne pourrais pas exprimer. Il m'a demandé plusieurs fois si j'étais sûr que la porte ne fût pas fermée. « Seigneur, lui dis-je, si j'en suis sûr, comme je suis vivante. En vérité, mademoiselle, j'en suis tellement abasourdi que je ne puis moi-même le dire. Je ne voudrais pas plus dormir dans cette chambre que sur le canon de ce rempart là-bas. Et pourquoi moins sur ce canon qu'à tout autre endroit du château ? » dit Émilie en souriant. Je crois bien que le lit serait dur. Oui, mademoiselle, mais on peut en trouver d'aussi mauvais. Le fait est que dans la nuit, on a vu quelque chose auprès de ce canon, et qui s'y tenait comme pour le garder. C'est fort bien, ma chère Annette. Les gens qui font de telles histoires sont bien heureux que vous les écoutiez. Vous les croyez au premier mot. Ma chère demoiselle, je vous ferai voir le canon même. Vous pouvez le voir de vos fenêtres. « C'est vrai, » dit Émilie, « mais cela prouve-t-il qu'un fantôme le garde ?»« Quoi, si je vous montre le canon, ma chère mademoiselle, vous ne croiriez rien ?»« Non, rien, probablement sur ce sujet, que ce que je verrai moi-même, » dit Émilie. « Eh bien, mademoiselle, vous le verrez si vous voulez seulement approcher de la fenêtre. » Émilie ne put s'empêcher de rire, et Annette parut étonnée. Apercevant son extrême facilité à croire le merveilleux, Émilie crut devoir s'abstenir de lui parler du sujet dont elle s'était proposée d'en entretenir. Elle craignait de la faire succomber à tant de terreurs idéales. Elle lui parla d'un objet plus gai, les régates de Venise. « Oui, mademoiselle, lui dit Annette, ces flambeaux tournants et les belles nuits au clair de lune, voilà ce qu'il y a de beau à Venise. La lune, soyez-en sûre, est plus belle que partout ailleurs. On entend une si douce musique. Ludovico chantait si souvent, auprès de ma jalousie, sous le portique du couchant. Mademoiselle, ce fut Ludovico qui me parla de ce tableau que vous aviez tant envie de voir hier. Et quel tableau ? Dit Émilie, désirant de faire parler Annette. Oh, ce terrible tableau avec le voile noir. Vous ne l'avez jamais vu ? Dit Émilie. Qui, moi ? Non, mademoiselle, jamais. Mais ce matin, continua Annette en baissant la voix et regardant autour d'elle, ce matin, comme il faisait grand jour, vous savez, mademoiselle, que j'avais une extrême fantaisie de le voir, et j'avais entendu de singulières choses à ce sujet. J'allais jusqu'à la porte, et je serais entré, si je ne l'avais trouvé fermé. Émilie commença à craindre qu'on eût remarqué sa visite, puisque la porte avait été fermée, si peu de temps après sa sortie de la chambre. Elle frémissait que sa curiosité n'attirât sur elle toute la vengeance de Montoni. Son inquiétude se portait aussi sur le but des rapports trompeurs qu'on avait faits à Annette, et qui sans doute avaient un principe, quoiqu'il semblât que Montoni eût dû chercher à maintenir à cet égard un silence absolu. Elle sentait néanmoins que le sujet était trop affreux pour s'en occuper à une pareille heure. Elle s'efforça de l'éloigner de sa pensée et de s'entretenir avec Annette, dont la conversation simple et naïve lui semblait préférable à une solitude absolue. Elles restèrent là jusqu'à près de minuit, mais non pas sans qu'Annette eût plusieurs fois voulu se retirer. Le bois était presque entièrement brûlé. Émilie entendit de loin retomber les portes de la salle, comme si on les eût fermées pour la nuit. Elle se prépara à se mettre au lit, mais elle voulait encore qu'Annette ne la quittât pas. À cet instant, la cloche de la porte sonna. Elles écoutèrent avec effroi. Après une très longue pause, on l'entendit sonner encore. Bientôt, on reconnut le bruit d'un carrosse dans la cour. Émilie se jeta presque sans vie sur sa chaise. « C'était le comte, » dit-elle. « Quoi, cette heure ? Mademoiselle, » dit Annette. « Non, ma chère mademoiselle, mais en tout cas, c'est prendre un singulier moment pour arriver dans une maison. »« Je t'en prie, ma chère Annette. » « Ne perdons pas le temps à causer, » dit Émilie d'un ton effrayé. « Va, je t'en supplie, va voir ce qui peut être. » Annette sortit de la chambre et emporta la lumière. Elle laissa Émilie dans une obscurité qui l'aurait effrayée quelques minutes auparavant. Mais en ce moment, elle n'y prenait pas garde. Annette parut, et Émilie alla au-devant d'elle. « Oui, mademoiselle, » dit-elle, « vous aviez raison, c'est le comte. »« C'est lui, » s'écria Émilie, levant les yeux au ciel et s'appuyant sur le bras d'Annette. « Mon Dieu, ma chère dame, remettez-vous, ne pâlissez donc pas ainsi, nous en apprendrons davantage. »« Oui, nous en saurons davantage, » dit Émilie en s'acheminant le plus vite possible vers son appartement. « Je ne suis pas bien, donnez-moi un peu d'air. » Annette ouvrit la fenêtre et lui apporta de l'eau. « Ma chère mademoiselle, il ne vous troublera pas à cette heure, il croira que vous dormez. » « Restez avec moi jusqu'à ce que je dorme, » dit Émilie, un peu soulagée par cette idée qui lui parut très vraisemblable. Émilie demanda quel était l'homme qui accompagnait le comte et comment Montoni les avait reçus. Mais Annette ne put le lui dire. Ludovico, ajouta-t-elle, allait justement appeler le valet de la chambre de M. Montoni pour qu'il l'informât de cette arrivée lorsque je l'ai trouvé moi-même. Émilie resta quelque temps dans cet état d'incertitude. Il devint enfin si violent qu'elle pria Annette d'aller rejoindre les domestiques dans la salle et de découvrir s'il était possible quelle était l'intention du comte en se rendant au château. « Oui, mademoiselle, répondit vivement Annette, mais comment trouverai-je mon chemin si je vous laisse avec la lampe ?» Émilie dit qu'elle allait l'éclairer, et elles sortirent aussitôt. Quand elles furent au haut de l'escalier, Émilie réfléchit qu'elle pourrait être vue par le comte, et pour éviter la grande salle, Annette la conduisit à travers quelques petits passages, à un escalier dérobé qui descendait à la salle des domestiques. En remontant à la chambre, Émilie craignit de s'égarer dans tous les détours de ce château, et d'être encore effrayée par quelque mystérieux spectacle. Quoique troublée dans tous les corridors, elle frémissait d'ouvrir une seule des portes. Pendant qu'elle était seule, arrêtée et pensive, elle crut entendre un sanglot assez près d'elle. Elle resta immobile, et en entendit un second distinctement. Il y avait plusieurs portes à la droite du passage. Elle avança et écouta. À peine fut-elle à la seconde qu'elle entendit une voix et un accent de plainte. Elle écoutait toujours et ne voulait ni ouvrir la porte ni s'en éloigner. Elle reconnut des soupirs convulsifs et les plaintes d'un cœur au désespoir. Émilie pâlit et considéra dans une pénible attente les ténèbres qui l'entouraient. Les lamentations continuaient. La pitié vainquit la terreur. Il était possible que ses soins pussent être utiles à l'infortuné qui gémissait, ou que du moins sa compassion pût le consoler. Elle posa la main sur la porte. Tandis qu'elle hésitait, elle crut reconnaître cette voix qu'altéraient les tons de la douleur. Elle posa sa lampe dans le passage et ouvrit la porte sans bruit. Tout était sombre, excepté un cabinet reculé où paraissait une seule lumière. Elle se glissa doucement. Elle vit Madame Montoni appuyée sur sa toilette et fondant en larmes, un mouchoir sur les yeux. Elle resta immobile d'étonnement. Il y avait un homme assis auprès du feu, mais elle ne put le distinguer. De temps en temps, il disait d'une voix basse quelques mots, et Émilie ne pouvait les entendre. Mais alors Madame Montoni pleurait encore bien plus. Trop occupée de sa douleur, elle n'aperçut point Émilie. Cette dernière eut bien désiré de deviner la cause de cette scène et reconnaître celui qui se trouvait à cette heure dans le cabinet de sa tante. Elle ne voulut pourtant point ajouter à ses douleurs en surprenant son secret et profiter de la circonstance pour écouter son entretien. Elle se retira avec précaution et, quoiqu'avec difficulté, retrouva son appartement, où des intérêts plus directs lui firent oublier sa surprise. Un être vint cependant sans avoir de réponse satisfaisante. « À présent, mademoiselle, ajouta-t-elle, je suis si endormie. Si vous l'étiez autant que moi, vous ne me feriez pas rester, j'en suis sûre. » Émilie s'aperçut qu'il y aurait de la cruauté à l'exiger. Elle avait attendu si longtemps sans recevoir d'ordre de Montoni qu'il ne paraissait pas avoir le dessein de la troubler si tard. Elle se détermina à congédier Annette. Cependant, quand elle regarda sa triste et vaste chambre et qu'elle se souvint de différentes choses, la crainte s'empara d'elle et elle hésita. « Oui, dit-elle à Annette, il serait cruel de vous prier de rester jusqu'à ce que je fusse endormie. Je crois que cela sera long. »« Je le crois aussi, mademoiselle, reprit Annette. Mais avant de me laisser, dit Émilie, dites-moi, le signor Montoni avait-il quitté le comte Morano lorsque vous êtes sortie de la salle ?»« Oh non, mademoiselle, ils étaient encore ensemble. Êtes-vous entrée dans le cabinet de ma tante après m'avoir quittée ?»« Non, mademoiselle, j'étais à la porte en passant. » Mais elle était fermée, et j'ai pensé que madame dormait. « Qui donc tout à l'heure était avec votre maîtresse ?» dit Émilie, qui oubliait sa prudence ordinaire. « Personne, je crois, mademoiselle, reprit Annette, personne. Je pense n'a été avec elle depuis que je vous ai laissée. » Émilie n'en parla plus, et après avoir lutté pendant un moment contre ses craintes imaginaires, sa bonté l'emporta, et elle laissa partir Annette. Elle resta seule, songeant à sa situation et à celle de Madame Montoni. Ses yeux enfin s'arrêtèrent sur le portrait qu'après la mort de son père, elle avait trouvé dans les papiers qu'il lui avait ordonné de brûler. Il était sur la table avec quelques dessins qu'Émilie, peu d'heures auparavant, avait tirés d'une petite boîte. Cette vue la ramena à de tristes réflexions. Mais l'expression touchante de ce portrait en adoucissait l'amertume. C'était la même physionomie que celle de son père. Elle crut trouver du rapport dans ses traits, et cette idée le lui fit regarder avec attendrissement. Mais la tranquillité de sa rêverie fut tout à coup troublée par le souvenir des mots du manuscrit qu'elle avait trouvé avec cette miniature, et qui dans ce temps l'avait remplie d'incertitude et d'horreur. Elle sortit enfin de ses profondes réflexions. Mais quand elle se leva pour se déshabiller, le silence, la solitude où elle se trouvait à cette heure avancée, loin de tout bruit, l'impression enfin que lui avait laissée le sujet sur lequel elle venait de méditer, tout se réunit pour lui ôter le courage. Les ouvertures d'Annette, toutes frivoles qu'elles étaient, n'avaient pas laissé de l'affecter. Elle venait à la suite d'une circonstance épouvantable dont elle-même avait été témoin et dont le théâtre était près de sa chambre. La porte de l'escalier était peut-être le sujet d'une frayeur mieux fondée. Elle commença à craindre que cet escalier ne communiquât à la chambre dont le souvenir la faisait trembler. Déterminée à ne point se déshabiller, elle se jeta toute vêtue sur son lit. Le chien de son père, le fidèle Manchon, couché à ses pieds, lui servait de sentinelle. Ainsi préparée, elle essaya de bannir ses réflexions, mais son esprit occupé errait encore sur les points qui l'intéressaient. Et l'horloge du château sonna 2 heures avant qu'elle eût fermé les yeux. Elle succomba pourtant à un léger sommeil. Elle en fut arrachée par un bruit qui lui parut s'être élevé dans sa chambre. Tremblante, elle écoute. Tout était dans le silence. Croyant avoir été éveillée par ces bruits qu'on entend en songe, elle se reposa sur l'oreiller.